إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 72 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On a commencé hier à la fin le chapitre Bab Maja'a fil Ghiba, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le sujet de la médisance ou bien le fait de parler dans le dos. Et on a lu à ce sujet-là l'explication du verset 12 dans Surat al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et donc à la fin du cours, le cheikh expliquait que déjà la médisance c'est un des grands péchés, et lorsque ça concerne le commun d'entre les musulmans, yani c'est un grand péché parmi les grands péchés. Mais si ça concerne les ulama de l'islam et les dirigeants des musulmans, alors parler dans leur dos c'est encore plus grave à cause des répercussions qui en découlent, et le grand mal et la fitna entre les musulmans que ça peut créer. Et donc de parler dans le dos des dirigeants musulmans, c'est encore plus grave que de parler dans le dos d'un musulman ordinaire parmi les musulmans dans le pays, hein, dans une société. Et le frère avait posé la question, le frère Hassan, il a posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire le riba du kafir? Et j'avais donné une réponse un peu générale, mais sinon, j'ai par la suite fait la recherche sur le sujet dans les paroles des ulama et les fatwas des ulama. Et à ce sujet-là, ils expliquaient que c'est certain que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne la définition de al-riba, il dit dhikruka akhaka bima yakra, c'est-à-dire de le fait que tu mentionnes quelque chose à propos de ton frère qu'il déteste. Et les ulama ont spécifié que dhikruka akhaka, c'est-à-dire akhaka al-muslim, c'est-à-dire le fait de mentionner ton frère, c'est-à-dire ton frère musulman. Donc le kafir n'entre pas dans ça. Sauf que les ulama ont expliqué que de façon générale, le fait de parler dans le dos et de faire de la médisance, c'est quelque chose qui est blâmable, d'accord. Et si tu vas faire si tu vas parler de qu'est-ce que le kafir déteste en son absence et qu'il n'y a pas un bienfait qui en découle, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est futile et inutile, et c'est quelque chose qui est blâmable. Dans le sens que si tu vas mentionner les caractéristiques du kafir ou des choses comme ça dans le but d'un bienfait qui est grand, c'est-à-dire d'avertir contre sa mécréance, de mettre en garde contre son shirk, ou des choses qui vont ramener un bienfait pour les musulmans, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est juste de parler pour parler dans le dos, dans ce cas-là, ça c'est sûr que c'est blâmable. La même chose pour l'innovateur, on a le droit de parler dans le dos de l'innovateur dans le but de mettre en garde contre son innovation, puis d'avertir les musulmans contre son danger, ça il n'y a pas de problème. Mais si c'est de parler juste pour parler dans son dos comme ça, il n'y a pas un grand bienfait qui en découle dans ce cas-là. Donc c'est pas le but de parler juste pour parler, mais dans le but d'avertir contre un innovateur, et en particulier l'innovateur qui appelle à son innovation, celui qui fait une bid'a et qui appelle à la bid'a. Tandis que si c'est un innovateur qui fait une bid'a ou qui croit en une bid'a, mais qu'il n'en parle à personne et qu'il n'appelle personne à cette innovation-là, donc dans ce cas-là, le verdict, c'est pas le même, puisque le danger qu'il a ou le mal qu'il a se limite à lui-même. D'accord? Donc, il y a des paroles que j'ai trouvées de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, et des paroles de Cheikh Al-Fawzan, et d'autres parmi les ulama, également Cheikh Al-Albani, il en a parlé. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il avait une belle parole aussi là-dessus, qui disait que de façon générale, on ne doit pas parler et faire de riba, que ce soit du musulman ou du non-musulman. De façon générale, on ne doit pas rentrer dans ces choses-là. D'accord ? Ça, c'est la règle de base. Et après, le Cheikh, il explique ensuite un autre hadith. Il mentionne un autre hadith dans le chapitre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite le hadith de Abi Bakra. Il dit, وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بلد الله الحرام قلنا بلى قال فأي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد قال قالها ثلاثا أخرجاه يعني البخاري ومسلم. Donc c'est le hadith de Abi Bakra au sujet du discours d'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yani lorsqu'il a fait le hajj avec les sahaba le jour du sacrifice, et il a dit dans son discours, dans son sermon, dans quel mois sommes-nous, hein, quel mois? Alors les gens se sont tus, ils n'ont pas répondu parce qu'ils pensaient qu'il allait l'appeler par un autre que son nom. Alors il a dit, n'est-ce pas que c'est le mois de Dhul-Hijja? Et ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Et il a dit, dans quel pays, dans quel endroit sommes-nous? Alors il dit, nous sommes tus, parce que jusqu'à ce que nous croyions qu'il allait l'appeler par un autre que son nom. Et il dit, n'est-ce pas le pays d'Allah ou la terre d'Allah, Al-Haram, qui est sacré, Al-Haram, Al-Balad Al-Haram, ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Après, il a dit, et quel jour sommes-nous? Et il dit, nous sommes-tus jusqu'à ce que on a pensé qu'il allait l'appeler par autre que son nom. Et puis, il a dit, n'est-ce pas, aujourd'hui, le jour du sacrifice, hein, Yawm al-Nahar. Alors, ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, votre sang, c'est-à-dire vos vies, vos biens et vos honneurs sont pour vous sacrés et interdits. De la même manière que ce jour est sacré, que ce mois est sacré et que cet endroit, ce pays est sacré. Et donc, il dit, vous allez rencontrer votre Seigneur et il vous demandera au sujet de vos œuvres. Alors ne redevenez pas mécréants après moi en vous frappant le cou les uns des autres et en vous tuant les uns les autres. Et que celui qui est présent transmette cette parole à celui qui est absent. Parce qu'il est possible que celui qui transmette la parole, il la transmette à celui qui a une meilleure compréhension que celui qui l'a entendu. Puis il a dit, ai-je transmis le message correctement ? Et les sahaba ont répondu, oui. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Hein, pointant vers le ciel. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith très célèbre. D'accord ? Et le Cheikh Al-Fawzan il explique donc ce hadith. Il dit « Amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Abi Bakra fi khutbat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Nahr ayyu shahrin hadha فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب فقد خطب يوم عرفة الخطبة البليغة العظيمة وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة ليعلم الناس مناسك الحج والأمور العامة وهذه الخطبة البليغة أراد صلى الله عليه وسلم بها أن يبين حرمة المسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est le hadith de Abu Bakr, il fait un serment et il s'adresse aux sahaba le jour du sacrifice et il dit dans quel mois sommes-nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait de nombreux serments durant sa vie et parmi les serments il y a le serment du jour de Arafat et il y a le serment c'était un serment très éloquent et touchant et le serment du jour du sacrifice et c'est la partie de ce qu'il a dit dans ce qu'on a lu maintenant. Puis il a enseigné également pendant ce serment les règles du Hajj et les questions qui sont des affaires générales de l'islam et donc c'était une khutbah qui était très touchante et il a voulu par cela clarifier aux musulmans à quel point le musulman est important et comment il est sacré. Hein? Comment le musulman, pour un autre musulman, c'est quelque chose de sacré, quelque chose d'interdit, de faire quoi que ce soit, de transgresser contre lui. Et donc il dit « Wa hada min kamali nushihi sallallahu alayhi wa sallam faqal ayyu shahrin hada wa qad arada an yunabbihahum » ويلفت الانتباه لخطورة ما أراد أن يبينه لهم فسكتوا وهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم ça fait partie de sa sincérité et à quel point il voulait le bien pour les gens qu'il leur explique ces choses-là, ces aspects de la religion et puis il leur dit dans quel mois sommes-nous et il a voulu en fait prendre leur attention et attirer leur attention sur le danger de ce qu'il va leur expliquer par la suite et eux ils se sont tus, c'est-à-dire ils n'ont pas répondu et ça fait partie de leur bon comportement et de leur bonne manière avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient du respect pour lui et donc ils ne se permettaient pas de parler n'importe quand ou n'importe quelle situation avec lui mais ils attendaient de lui sa réponse hein, quand il leur posait une question. ثم قال أليس ذا الحجة أي الشهر الذي يؤدى فيه الحج وهو من الأشهر الحرم فقال الصحابة بلى ثم سأل أي بلد هذا فسكتوا فقال أليس بلد الله الحرام قالوا بلى يعني صلى الله عليه وسلم بذلك مكة ثم قال فأي يوم هذا فسكتوا وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتبه الصحابة وتهيأت قلوبهم للقول قال أليس يوم النحر قالوا بلى. Donc le cheikh il explique ensuite il leur a posé la question. N'est-ce pas le mois de Dhul-Hijjah? Il leur a dit, n'est-ce pas le mois de Dhul-Hijjah? Hein? Et c'est le mois dans lequel on fait le rite du Hajj et on applique ce pilier de l'islam. Et c'est un des mois sacrés, parmi les quatre mois sacrés de l'année du calendrier musulman. Alors les Sahaba ont dit, certes, au messager d'Allah. Puis il leur a demandé, et dans quel endroit sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Et ils se sont tus. Et il leur a dit, n'est-ce pas que c'est la terre d'Allah, la terre sacrée d'Allah, en voulant dire Mecca, hein? Et ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Et il a dit, et quel jour sommes-nous? Et ça, c'est pour dire, yani, pour encore une fois, pour prendre leur attention et pour les attirer vers yani, l'attention de, vers ce quoi il, vers la chose qu'il veut leur expliquer. Puis une fois que le cœur des sahaba a été préparé à entendre la réponse, parce que s'il leur dit la parole directement, c'est pas, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet que s'il leur pose la question. Hein? Donc il leur pose la question pour attirer leur attention. Après, ils ont envie de savoir qu'est-ce que c'est la réponse. Une fois qu'il a pris leur attention de cette façon, là, il leur donne la réponse. Là, ils vont, ça va avoir un plus grand impact et un plus grand effet sur leur cœur. Alors, une fois que leur cœur est préparé à entendre la parole, et là, il leur dit, c'est, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Et ils disent, certes. Alors, le cheikh, il continue, il dit, قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا فالدماء والأعراض والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة وهي البلد الحرام والشهر الحرام والنحر ويوم النحر. Donc le cheikh il dit que par la suite le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a répondu en disant que votre saint, c'est-à-dire votre vie, vos biens et votre honneur, tout ça c'est sacré. De la même manière que ce jour est sacré, que ce pays est sacré et que ce mois est sacré. Et il dit, donc, le Cheikh Al-Fawzan il dit, le saint, l'honneur et les biens, tout ça c'est sacré de la même manière que toutes ces, hein, ces choses qu'on a mentionnées qui sont des grandes choses qui sont respectées par les musulmans et qui sont sacrées pour les musulmans. La terre d'Allah qui est sacrée, le mois qui est sacré, qui est le mois de Dhul-Hijjah, et le jour du sacrifice qui est également un jour hein, qui est sacré. Et donc il dit ثُمَّ إِنَّهُ حَذَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ خَطِيرٍ فَقَالَ لَا تَرْجِعُ بَعْدِي كُفَّارًا hein? لَا تَرْجِعُ بَعْدِي كفارا وهذا فيه تحذير ونهي عن انتهاك الدماء. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم il a averti contre une chose très grave et très dangereuse, et c'est-à-dire ne redevenez pas après moi mécréants. Et il y a dans ça un avertissement contre le fait de faire couler le sang, hein, de faire couler le sang et de se tuer les uns les autres et des choses de ce genre. Il dit وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ عَلَى حَدٍ سَوَى. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de faire couler le sang du musulman et le sang du non-musulman, hein, al-mu'ahad, celui qui est protégé par une entente de paix entre les dirigeants musulmans et les dirigeants non-musulmans. Donc du moment que il y a une entente entre les musulmans et les non-musulmans dans les pays musulmans et dans les pays non-musulmans, et qu'on a donné notre engagement et notre entente, eh bien, c'est-à-dire que les dirigeants ils ont signé ces ententes-là et que tous les gens sont d'accord, dans le sens que les dirigeants sont d'accord et les non-musulmans, les dirigeants musulmans sont d'accord et les dirigeants non-musulmans sont d'accord pour que ce soit des relations d'entente et de paix, alors un musulman n'a pas le droit de briser cette entente-là. Et un non-musulman non plus, bien entendu, n'a pas le droit de le briser. Et en même temps aussi, lorsque les musulmans viennent dans les pays non-musulmans et qu'ils signent hein, pour prendre le visa pour venir chez eux, ou que les non-musulmans viennent dans les pays musulmans et qu'ils prennent des visas pour rentrer chez les musulmans, ça veut dire qu'il doit y avoir le respect de ces ententes-là. Et ça fait partie de ce genre d'entente aussi. Toutes les relations internationales actuellement qui existent, que ce soit yani lorsqu'on voyage avec notre passeport puis qu'on a un visa dedans, ça a la même valeur que les ententes et que les pactes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à l'époque et que les dirigeants musulmans par la suite au cours de l'histoire de l'islam ont pris entre eux et les non-musulmans. Ça c'est la même chose, il n'y a pas de différence aujourd'hui pour ces choses-là. Donc le sang du musulman est sacré et le sang du non-musulman, du kafir qui est un mu'ahad, il est sacré aussi. Et ça beaucoup de gens ne comprennent pas, dans le sens qu'ils pensent que les kuffars sont tous dans la même catégorie. Et les ulama de l'islam ont fait la distinction entre le kafir qui est al-muharib et le kafir qui est al-mu'ahad. Le kafir qui est al-muharib, c'est-à-dire lorsqu'il y a entre un pays musulman et un pays non musulman une guerre qui est officiellement déclarée et qu'il y a un combat entre les deux et les deux armées s'affrontent, ça c'est une situation qui est particulière. Et dans ce cas-là, c'est normal que les combattants musulmans vont combattre les combattants de l'armée non musulmane. Et dans ce cas-là, ça c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de paix, puisque c'est une guerre qui est déclarée officiellement. Mais quand il y a une entente de paix, eh bien les koufars dans cette situation-là, ils sont protégés par cette entente de paix. Et de manquer au respect de cette entente, c'est une trahison contre l'islam et contre les dirigeants musulmans. D'accord? Et c'est interdit pour quiconque d'entre les musulmans de justement transgresser cette entente et de faire un tort ou de transgresser contre un non-musulman dans ce cas-là, surtout comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les actes de terrorisme et les attentats et des choses de ce genre. Tout ça, ça rentre dans la trahison contre le dirigeant de l'islam et contre le dirigeant musulman, et ça rentre également dans la trahison de l'islam aussi. Hein? Celui qui fait ça, il trahit l'islam, parce qu'il va salir la religion de l'islam par ce genre de comportement et d'attitude. Et donc le cheikh il explique, il dit fala yajuzu li'tida alayhima, donc il n'est pas permis de transgresser contre l'un des deux, de ces deux-là, c'est-à-dire le musulman ou le mu'ahad parmi les non-musulmans. Et il dit wala siyama fi ayyam al-fitna fa in hasalat fitnatun fal muslim yakuf wala yusharik fiha. Donc il dit en particulier dans les jours dans lesquels il y a des fitan ou une fitna, dans les jours dans lesquels il y a une fitna, c'est-à-dire quand il y a des situations de désordre et de tribulation dans les pays musulmans, s'il y a une révolte ou il y a une rébellion ou il y a un coup d'état ou il y a des situations où il y a une guerre civile dans les pays musulmans, pendant ces cas-là, ces situations-là, c'est encore plus important pour que le musulman se retienne de rentrer et de participer dans ce genre de combat-là, parce que le résultat de ça, c'est qu'il va tuer des musulmans, il va tuer des innocents, et il n'a pas le droit de faire couler le sang d'un musulman ou d'un mu'ahad parmi les non-musulmans. Donc s'il voit qu'il y a une fitna, il s'abstient, il s'écarte, il reste chez lui, il ne sort pas vers la fitna et il ne participe pas à cette fitna. Il dit wa an yakuna amilan lil islah bayna an-nas, et il travaille pour essayer de réconcilier entre les gens. Comme il mentionne après, il dit wa kama qala ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa'aslihu baynahuma. Fa'aslihu baynahuma wa hadha huwa ma yajibu 'ala al-muslim al-islah. فإن عجز عن ذلك فإنه ينجو بنفسه ويبتعد عن شرها ولا يدخل في الفتنة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans sourate Al-Hujurat, et si deux groupes parmi les croyants se sont combattus les uns les autres, alors faites la réconciliation entre les deux. Et il dit ensuite, le cheikh en expliquant ce verset là, il dit ça c'est ce qui est obligatoire pour le musulman, de faire la réconciliation entre les deux. Et s'il est incapable de le faire, alors il se sauve lui-même en s'écartant du mal de cette fitna et en n'entrant pas dans la fitna. Donc il ne rentre pas dans les situations de conflit et de fitna entre les musulmans. Et il dit « Wa qawluhu kuffaran al-muradu bil-kufri huna al-kufru al-asghar wa huwa al-kufru al-amali laysa al-kufru al-mukhrij min al-millah بدليل قوله تعالى من المؤمنين ثم قال في آخر في آخر في آخر ذلك إنما المؤمنون إخوة فبعد أن ذكر القتال فيما بين المسلمين لم ينفي عنهم الأخوة في الإيمان. Donc le cheikh il dit, quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne redevenez pas des mécréants après moi en vous frappant le cou les uns des autres, pourquoi? Parce qu'avant l'islam, les Arabes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se combattaient les uns les autres entre tribus. Hein, une tribu combattait l'autre et ils se coupaient les coups les uns des autres et ils s'entretuaient, hein, entre eux. Ça, c'était dans la Jahiliya. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après moi, ne redevenez pas dans cette même situation-là et dans ce même état dans lequel vous étiez avant l'islam, que vous vous entretuez à l'époque, hein. Donc, ne redevenez pas mécréants dans le sens que vous avez, yani, ne faites pas la même chose que ce que vous faisiez avant l'islam en vous combattant les uns les autres. Et ça, c'est un avertissement, hein, pour justement ne pas faire cet acte-là qui fait partie des caractéristiques des koufars. Et c'est pour ça que le cheikh, il explique par la suite que qu'est-ce qu'on veut dire ici par le koufre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne redevenez pas des koufars après moi, c'est le koufre mineur, hein, le koufre amali, c'est-à-dire l'action des koufars. Ça ne veut pas dire de redevenir mécréant dans le sens que si tu tombes dans ce péché-là, tu deviens mécréant et que tu sors de l'islam. Non. Mais ça veut dire plutôt que c'est un kufr mineur, hein, qui fait partie des actes des mécréants, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de la religion musulmane. Naam. Malgré qu'ils s'entretuent. Parce que le meurtre, c'est un péché. Parmi les grands péchés, ça fait partie des kaba'ir. Mais le fait de faire ce péché-là, ça ne veut pas dire qu'on devient mécréant. Et ça ne veut pas dire qu'on sort de l'islam. La preuve, c'est le verset qu'on vient juste de lire, qui est le verset 9 dans Surat al-Hujurat, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si deux groupes d'entre les croyants se combattent ?» Donc, si c'était des mécréants parce qu'ils s'entretuent, ça voudrait dire qu'ils ne les auraient pas appelés des croyants. Ils les auraient appelés mécréants. Il aurait dit si deux groupes d'entre les mécréants se combattent, mais il n'a pas dit les deux groupes d'entre les mécréants, il a dit si deux groupes d'entre les croyants se combattent. Donc c'est la preuve que de se combattre, ça ne représente pas une forme de mécréance majeure qui ferait sortir de l'islam, mais c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé kufr pour montrer la gravité de ce péché-là, mais pas pour dire que c'est de la mécréance dans le sens que ça fait sortir de l'islam. Et en plus, si on regarde la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine cette explication-là dans le verset dans Surat al-Hujurat, le verset 10, il dit « Innama al-mu'minuna ikhwa » juste après avoir mentionné qu'ils se combattent les uns les autres, il appelle à la réconciliation entre eux. Puis il dit si un des deux transgresse contre l'autre, eh bien combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revienne, alors établissez la justice entre eux et soyez justes. Allah aime les justes. Et après il dit les croyants ne sont que des frères. Donc ça veut dire que même quand ils se combattent, ils sont des frères. Les musulmans sont des frères même quand ils se combattent, hein, les uns les autres. Mais lorsqu'ils sont en train de se combattre et de s'entretuer de cette façon-là, ils agissent comme des koufars et non pas comme des musulmans. Et donc c'est pour ça que le prophète leur a dit « Ne devenez pas des mécréants après moi, vous frappant le coup les uns des autres. » Il dit « وبعد أن ذكر القتال فيما بين المسلمين لم ينفي عنهم الأخوة في الإيمان » C'est-à-dire après avoir mentionné le combat entre eux, le combat entre les musulmans, il n'a pas nié leur fraternité. Il n'a pas nié entre eux leur fraternité dans la foi. Et il dit وقوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا فيه الحث على تبليغ ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى نشر العلم بين المسلمين في من أعطاه الله علما فلا بد أن ينشره ولا يكتمه. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على كتمان بعضه مصلحة راجحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال ألا أبشر الناس قال إني أخاف أن يتكلوا. Donc, le cheikh, il explique ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est présent transmette cette parole à ceux d'entre eux qui sont absents. Et il a dit ça, c'est une incitation à transmettre ce qui a été mentionné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été révélé de la part d'Allah et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Hein, de le transmettre. Et c'est une invitation à propager la science entre les musulmans. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné du savoir, il faut qu'il le transmette, il faut qu'il le propage et le diffuse. Il ne doit pas le cacher, il ne doit pas cacher le savoir. Et il mentionne le verset 159 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve claire et comme guidance après que cela a été clarifié pour les gens dans le livre, ceux-là, Allah les maudit, et également ils sont maudits par tous ceux qui maudissent. Donc ceux qui cachent la science, ils sont des gens maudits. Et donc il n'est pas permis de cacher le savoir de l'islam, de cacher la révélation d'Allah aux gens, excepté s'il y a dans le fait de cacher une partie de ce savoir un grand bienfait, ou un bienfait qui est plus grand, comme dans l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Mu'adh, lorsque Mu'adh a dit: est-ce que je ne dois pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Il a dit: je crains qu'ils se mettent à dépendre sur cela seulement. C'est quoi ce hadith? C'est le hadith dans lequel Mu'adh radiallahu anhu est monté à Dodan avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Mu'adh, est-ce que tu veux que je te dise quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quels sont les droits des serviteurs sur Allah? Et il a dit: certes, ô messager d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul sans rien associer avec lui. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est que il ne les châtie pas s'ils ont établi cela. C'est-à-dire, si les croyants ont établi l'unicité d'Allah, ils n'ont rien adoré en dehors d'Allah, ils n'ont adoré que Allah seul, alors Allah subhanahu wa ta'ala, le droit que les serviteurs ont sur lui, c'est qu'il ne les châtie pas une fois qu'ils ont établi le tawhid et l'unicité d'Allah. Donc Mu'adh radiallahu anhu a dit: est-ce que je ne devrais pas annoncer cette bonne nouvelle aux hommes et leur dire? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, ne leur dis pas, car je crains qu'ils se mettent à dépendre uniquement sur ça, c'est-à-dire de laisser tomber les bonnes œuvres et les actions, puis de dire: yani, du moment que je suis un homme pieux, ou que je, dans le sens que j'établis le tawhid, j'associe rien avec Allah, j'adore pas d'autre que Allah, donc yani, je peux faire tout ce que je veux, puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner et me faire rentrer au paradis, il va pas me châtier parce que je n'adore pas d'autre que lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter que les gens comprennent cela, parce que parmi les gens il y a parfois des gens qui ont peu de compréhension de la religion, alors dans ce cas-là, le fait de leur dire ça, ça risque d'avoir un effet néfaste ou négatif sur leur religion. Dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas leur dire jusqu'à ce qu'ils aient une compréhension suffisamment correcte pour être capable de le prendre et de le comprendre correctement. D'accord? Donc, si tu sais que, par exemple, en parlant à des gens d'un sujet, que ce que tu vas leur dire va avoir un effet ou une conséquence mauvaise sur eux, parce que il leur manque certains préalables pour comprendre cette science, alors dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas leur dire tout de suite, et de premièrement leur donner les bases et les choses principales pour qu'ils soient capables de les comprendre, puis que par la suite tu leur dis. Et c'est pour cette raison-là que Mu'adh ibn Jabal, par exemple, eh bien, il l'a dit à la fin de sa vie. Il a mentionné ce hadith. Et il a dit, j'ai peur de mourir en cachant cette science. Et donc, il l'a mentionné, le hadith. il a rapporté le hadith, hein, et il a mentionné cet exemple-là. Donc, c'est pourquoi, pour faire comprendre que, yani, c'est pas, des fois, il peut y avoir un bienfait à ne pas dire tout n'importe qui, à n'importe qui, et de dire tout n'importe quand. Et c'est pour ça que souvent les ulama ils disent les kulli maqam une maqal, c'est-à-dire en chaque circonstance il y a une parole spécifique qui se dit. Il y a des choses qui se disent dans certains moments et d'autres qui se disent pas. Et il y a des choses qui se disent à certaines personnes et d'autres qui se disent pas, dans le sens que il faut voir, peut-être que certaines personnes sont pas prêtes à entendre certaines choses parce qu'il leur manque certaines connaissances pour être capable de les comprendre. Et ça sert à rien de rentrer dans certaines questions ou certains sujets avec certaines personnes s'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour être capable de l'accepter ou de le comprendre correctement. Et c'est pour ça que certains, même parmi les sahaba, je crois que si c'était Ali radiallahu anhu qui disait Khatib an-nas ala hasabi uqulihim, hein, ou je ne sais pas si c'était même un hadith du professeur Ansel, c'est-à-dire parle aux gens selon le niveau de leur compréhension, de leur intelligence. Aturidu an yukadhdhab Allah wa rasuluhu, veux-tu que les gens traitent Allah et son messager de mensonge, tu leur rapportes des choses qu'ils ne sont pas capables de comprendre et ils les renient par ignorance à cause de leur manque de compréhension et de connaissance de l'islam. Donc ça c'est grave, hein. Et donc il faut tenir compte de ça. Parfois il y a des gens, non, tout ce qu'ils apprennent ils veulent le dire tout de suite à tout le monde sans tenir compte du degré des gens, du niveau de compréhension qu'ils ont, du niveau d'intelligence qu'ils ont, et ils prennent tout le monde à égalité. Et ça c'est quelque chose qui est yani, qui ne peut pas se faire. Même dans l'éducation des choses de la dunya, hein, tu ne vas pas sortir des livres d'université à des enfants de primaire. C'est pas possible. Il y a des notions que tu peux pas absorber ou comprendre avant d'avoir appris certaines choses avant. Hein? Et bien dans la religion, il y a la même chose aussi. Dans la religion aussi, il y a la même chose. Il y a des degrés dans la science. Et donc il dit wa amma idha lam yatarattab ala nashr ba'd al-'ilm mafsada fa innahu min al-wajib 'alayhi an yuballigh al-'ilm wa la yaktumahu li'anna an-nasa bihajatin ilayhi. Le cheikh il dit, s'il n'y a pas de conséquences négatives à propager une partie de cette science, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour le musulman de le transmettre et de ne pas le cacher, parce que les gens ont besoin de cette science-là. ثم قال رب مبلغ أوعى من سامع. Juste avant de traduire la suite, il y a certains parmi les gens de bid'a ou les hizbin, ils ont une notion erronée à propos de la da'wa et à propos de l'islam. Et ils s'imaginent que c'est permis de mentir dans la da'wa. Hein? Ils s'imaginent que c'est permis de mentir dans la da'wa, c'est-à-dire, ils vont dire, ah, mais on ne va pas dire la vérité sur l'islam, parce que peut-être que yani, ça ne va pas nous permettre d'arriver à certains de nos objectifs politiques ou de nos objectifs économiques. Et ça, on le retrouve surtout chez les frères musulmans, par exemple, et certains autres groupes parmi les groupes de bid'a. Parce que pour eux, l'islam, c'est un jeu politique, c'est un intérêt politique, parce qu'eux sont un parti politique à la base. Et donc, ils ne calculent pas le fait de faire la da'wa dans le but d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala pour les sauver du shirk et les sauver de l'enfer et les amener vers le tawhid et les amener vers qu'est-ce qui les fait rentrer au paradis et sauver leur âme. C'est pas ça leur intérêt principal. Leur intérêt principal, c'est d'obtenir le pouvoir et d'obtenir de l'argent et de gagner de l'argent. Et donc, tout ce qui les éloigne de leur objectif mondain et futile, alors ils vont dire, si ça nous ramène plus proche de notre but dans la dunya, alors ça a une priorité. Et tout ce qui nous éloigne de ça, c'est secondaire pour nous. Même si ça fait partie des fondements de la religion, même si ça fait partie de la croyance, même si ça fait partie des bases de l'islam, c'est pas grave pour nous. Hein? Qu'est-ce qui compte, c'est nos intérêts en premier. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, et dans beaucoup d'occasions, lorsque les gens parlent de l'islam, ils ont l'occasion de faire connaître aux gens la réalité du message de l'unicité d'Allah et qu'est-ce que ça signifie de croire en Allah seul et de ne rien adorer autre que lui et la signification de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tous les détails des bases de la foi. Ils ont l'occasion de faire passer ce message-là devant un grand nombre de personnes et ils passent à côté de l'occasion pour parler d'autres choses qui ne sont pas fondamentales dans l'islam. Hein? Et ça, c'est à cause de, justement, leur mauvaise compréhension de la da'wah et de la signification de cette da'wah. Hein? Donc ça, c'est triste dans ce sens-là parce que ils voient les choses juste pour des intérêts futiles et matériels. Après, le cheikh, il dit, ثم قال رب مبلغ أو عام سامع فالناس يتفاضلون في هذا فمنهم من يحفظ النصوص ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما فيها من أحكام ألفاظ هذه النصوص الذين لم يحضروا ولم يسمعوا ما سمع من الأمور العلمية فقد يكونون أفقه ممن حضروا فيستفيدوا مما بلغوا ويفيدون غيرهم وهذه هي فائدة نشر العلم أن يصل لأناس يفقهونه فدل على أن المقصود ليس إيصال النصوص فقط وإنما المطلوب الفقه فيها والعمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت اللهم فاشهد ثلاثا. Donc le cheikh il explique que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est possible que la personne qui transmette il transmette la parole à quelqu'un qui a plus de compréhension que celui qui était présent. C'est-à-dire que toi, tu étais là, tu as entendu la parole, puis que tu vas la transmettre à quelqu'un d'autre, la personne à qui tu vas le transmettre, peut-être que lui va comprendre cette parole mieux que toi. Parce que toi, tu as une bonne mémoire qui t'a permis de mémoriser cette parole, mais peut-être qu'il te manque un certain niveau de compréhension. Une fois que tu transmets cette parole à la personne, elle va l'entendre et parce qu'elle a plus de compréhension que toi, elle va comprendre plus la signification de cette parole. Et donc, le cheikh, il dit, les gens sont à des degrés différents dans cette question-là. Parmi eux, il y en a qui mémorisent les textes qu'ils entendent et ils ont une bonne mémoire, mais ils ont peu de compréhension et ils ne sont pas capables de comprendre ce qui est voulu derrière ces règles et derrière ces textes. Donc, les textes de la révélation, du Coran et de la Sunna, quand ils vont les entendre, même s'ils n'étaient pas présents pour entendre ces paroles-là, lorsqu'elles ont été transmises et prononcées par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré tout, ils ont plus de compréhension que ceux qui étaient présents parfois. Dans le sens que, parmi les sahaba, il y en avait peut-être qui n'étaient pas présents à ce discours-là, et quand on va leur transmettre cette parole, ceux qui étaient présents vont leur transmettre cette parole, ils vont comprendre de cette parole plus que les sahaba, certains sahaba qui étaient présents, par exemple. Et donc, ils vont profiter de cette science qui leur est transmise, et ils vont faire profiter les autres. Et donc, ici, c'est pour nous faire comprendre, comme le cheikh il le dit, que le bienfait dans la transmission de la science, c'est de le faire transmettre à ceux qui vont la comprendre, cette science. Et que le but également de transmettre cette science, ce n'est pas uniquement de faire transmettre et de faire propager les textes de la révélation seulement, mais le plus important, c'est de comprendre ces textes-là et de les mettre en application. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend le mushaf, hein, et on prend les livres de hadith au complet et qu'on les lit du matin jusqu'au soir pour tous les savoir qu'est-ce qui est dedans, mais qu'on n'a pas de compréhension, eh bien, est-ce que ça va vraiment nous profiter? Pas beaucoup, hein. Par exemple, il y a des gens qui sont, par exemple, non arabes, mais ils savent lire l'arabe, hein, et ils vont prendre le mushaf. Ils le connaissent du début jusqu'à la fin. Ils l'ont mémorisé par cœur. Ils vont prendre Sahih al-Bukhari. Peut-être même qu'ils ont mémorisé Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim, ils peuvent le lire du début jusqu'à la fin, en arabe. Mais tu leur demandes, qu'est-ce qui est écrit? Ils ne peuvent pas te dire un mot, qu'est-ce qui est écrit dedans. Ou bien, ils peuvent comprendre l'arabe, mais ils n'ont pas la compréhension de la religion. Donc, ils lisent les textes, mais ils ne comprennent pas la signification de ces textes. Et ils ne sont pas capables d'extraire quoi que ce soit de ces textes-là comme règle ou principe, parce qu'ils n'ont pas de compréhension de ces textes-là. Et c'est pour ça que le cheikh dit le plus important, c'est pas seulement de lire ces textes ou d'entendre ces textes-là, mais d'avoir la compréhension de ce que ces textes-là signifient et de les mettre en application. Et puis ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala hal ballart » Il demande aux sahaba, est-ce que j'ai transmis le message correctement? Est-ce que j'ai transmis le message de mon Seigneur? Et les sahaba ont répondu oui. Et alors il a dit, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. C'est-à-dire, oh Allah, alors sois témoin. Oh Allah, alors sois témoin. Oh Allah, alors sois témoin. Il a dit trois fois. Et il dit, wa hada fihi anna al-asl fil khutab an la tatoul. Il dit, la base dans la khutbah, c'est que ça ne doit pas être long. Les sermons et les discours doivent être résumés, doivent être courts. « Wa innama tahtasiru ikhtisaran ghayra mukhil » Donc tu dois résumer l'information, mais résumer sans non plus qu'il y ait de manque dans ton explication. Donc, tu ne le fais pas trop long pour que ce soit ennuyeux, puis tu ne le fais pas non plus trop court pour que ce ne soit pas clair. D'accord ? Et il dit, لِأَنَّ هَذَا أَدْعَى لِلْفَهْمِ وَلِلْإِنْتِبَاهِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ طُولَ الصَّلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرِ خُطْبَتِهِ مُؤِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُ الصَّلَاةِ وَقْصُرُ الْخُطْبَةِ فَقَوْلُهُ مئنة أي علامة على فقهه لكن بعض الناس يخالف السنة فيقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة فيجعلون الصلاة دقيقتين والخطبة في ساعة أو أكثر ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا يحفظ منها شيء. Donc le cheikh il dit que lorsque la khutba elle est courte, c'est plus facile de faire en sorte que la personne elle comprenne et qu'elle donne une attention à qu'est-ce qui est dit. Et l'exemple de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim selon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Il dit la longueur de la durée de la salat plus longue et la khutba plus courte, c'est un signe de la compréhension de celui qui fait le serment. C'est-à-dire, si tu vois qu'il fait sa khutba pas trop longue et il prolonge la salat, ça c'est un signe de sa compréhension. Donc, il dit, prolongez la salat et raccourcissez la khutba. Prolongez la salat et raccourcissez la khutba. Et il dit, donc ici, ma'inna, ça veut dire alama. Ça signifie un signe. Donc c'est un signe de sa compréhension. Alamatun ala fiqhihi. Mais il dit, mais certaines personnes, ils contredisent la sunna. Et ils raccourcissent la salat et ils prolongent la khutba. Et donc, ils font la khutba, la salat, ils la font 2 minutes. Et la khutba, ils la font 1 heure ou plus. Donc, quand c'est comme ça, subhanallah. Quand c'est comme ça, à la fin, les gens, ils vont même pas se rappeler de grand chose de qu'est-ce qui a été dit dans la khutba, parce que la khutba était tellement longue, et les gens s'en rappellent même plus par la suite. Et il y a un frère qui me parlait de ça justement, il me disait qu'il a prié dans une mosquée pendant des années, parce que c'était proche de son travail, et que il a dit, depuis le temps que j'ai assisté à la khutbah de cet imam, il dit, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et pourtant, il parle arabe, sa khutbah est en arabe, et lui, il comprend l'arabe, mais son sujet est tellement vague, et il parle de choses, mais sans jamais être clair, Alors à la fin, tu ne comprends pas de quoi il parle et de qu'est-ce qu'il veut réellement dire. Alors que le musulman, en principe, il est supposé d'être clair et de faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il veut dire dans sa khutbah. Et de, quand il parle de certains problèmes, de certaines situations, il doit dire les choses telles quelles et faire comprendre aux gens l'objectif et le but de sa khutbah. Pas juste faire des discours abstrait où il parle de certaines choses, on ne sait même pas de quoi il parle et on ne sait même pas de qui il parle, et le but de sa khutbah, on n'arrive même pas à le comprendre yani, du début jusqu'à la fin. Allah musta'an. Donc ça, c'est des exemples comme ça. Et il dit ensuite, il cite un autre hadith. Il dit وَلَهُمَا il dit وَلَهُمَا, c'est-à-dire البخاري ومسلم عند ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Donc le cheikh il cite ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Amr. Il dit رضي الله عنهما que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: le musulman, hein, un vrai musulman, c'est celui dont les autres sont en sécurité vis-à-vis de sa langue et vis-à-vis de sa main. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur de sa main ni de sa langue. Il ne va pas te faire de tort. C'est ça un vrai musulman. Al-Muslim, man salim al-Muslimoun min lisanihi wa yadihi. C'est-à-dire le musulman, le vrai, c'est celui que tu n'as pas besoin d'avoir de crainte vis-à-vis de lui, tu n'as pas besoin de craindre sa langue, tu n'as pas besoin de craindre sa main. Tu es en paix, tu es en sécurité avec lui dans ces choses-là. Et il a dit wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. C'est-à-dire la personne qui a réellement fait la hijra, qui a quitté les. Par exemple, la définition de la hijra, c'est de quitter les terres des non-musulmans pour aller vivre dans les pays musulmans. Ben, le vrai muhajir, c'est celui, non seulement il a quitté les non-musulmans pour aller vers les musulmans, mais il a quitté ce que Allah lui a interdit. Il s'est écarté de ce que Allah lui a interdit. Parce qu'il y en a, Allah al-Musta'an, comme une fois il y a un cheikh qui expliquait, il dit, il y en a qui ont quitté les pays non-musulmans pour aller vivre chez les musulmans. Puis une fois qu'ils arrivent chez les musulmans, ils continuent à faire toutes sortes de choses mauvaises qu'ils faisaient lorsqu'ils habitaient parmi les non-musulmans. Ça, c'est pas une hijra complète. Hein? Ça, c'est juste une partie de la hijra. C'est pas le vrai sens de la hijra. La hijra, à la base, c'est de s'écarter des péchés et de s'écarter de ce que Allah a interdit. Et il dit wa amma qawluhu المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالمراد بالمسلم هنا كامل الإسلام لأن الغيبة نقص في الإسلام فمن كمال الإسلام ترك الغيبة فمن تركها كمل إسلامه وقوله من سلم المسلمون من لسانه كالسب والشتم والغيبة وسلم المسلمون من يده بضربهم وإيذائهم بقتل أو أخذ مال فاليد جارحة من الجوارح يكتسب بها المسلم أفعالا خيرية أو أفعالا محرمة فمن الإسلام كف المسلم يده عن أذى النفس ولسانه عن أعراضهم. Donc le cheikh il explique que le musulman, quand on dit qu'il doit ne pas faire de tort aux autres musulmans par sa main et par sa langue, ça veut dire celui qui a parfait son islam, qui a complété son islam, il doit ne pas faire de tort aux autres, ni par sa langue, ni par sa main. Donc il doit s'abstenir de parler dans leur dos et de faire de la riba. Parce que c'est quelque chose qui diminue son islam. C'est quelque chose qui va diminuer la perfection de son islam. Et donc parmi les choses qui viennent parfaire l'islam de quelqu'un, c'est d'abandonner la médisance et le fait de parler dans le dos. Donc celui qui a abandonné ce péché-là, il a parfait son islam. Et la signification donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit celui dont les musulmans sont en sécurité vis-à-vis de sa langue, Comme par exemple, il ne va pas les insulter. Il ne va pas leur dire des injures. Il ne va pas parler dans leur dos. Hein? Et on peut rajouter tout ce qui a rapport avec la langue là-dedans. Le fait d'être vulgaire, d'être grossier, d'être impoli, d'insulter, de dire des gros mots, et ainsi de suite. Tout ça, ça ne fait pas partie du comportement ni du caractère du musulman. Et donc, le musulman doit s'abstenir et s'écarter de tout ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis ensuite, il dit, wa yadihi, c'est-à-dire que les autres musulmans vont être en sécurité vis-à-vis de sa main, dans le sens qu'il ne va pas les frapper, il ne va pas les tuer, il ne va pas prendre leurs biens, leur argent, hein? Il ne va pas leur faire du tort avec ses mains non plus. Donc, il ne va pas leur faire du tort ni par sa langue, ni par ses mains. Ça, c'est le vrai musulman. Plus il se rapproche de l'application de l'islam, puis il s'écarte de ces péchés-là, eh bien, plus il a parfait son islam, plus son islam est complet. Et donc, il dit que la langue et les mains sont des membres, parmi les membres du corps, avec lesquels le musulman peut faire des bonnes choses, comme il peut également faire des choses interdites avec. Donc, celui qui veut parfaire son islam, eh bien, il va s'abstenir de faire du tort aux autres avec sa main et avec sa langue. Il ne va pas salir leur honneur et des choses de ce genre. Fa'islamul abd yahtaj ila al-muhafaza. Ila al-muhafazati alayhi. مما يؤثر فيه من الأقوال المخلة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات فالمسلم يكون مسلما فيما بينه وبين الله بإخلاص العبادة له وتسليم قلبه له ويكون مسلما بينه وبين المسلمين بكفه لسانه عن شتمهم ويده عن ضربهم وإيذائهم فأفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. Donc ça c'est très bien dit. Le cheikh il explique que l'islam d'un homme, l'islam d'un serviteur a besoin d'être préservé de tout ce qui peut affecter son islam, que ce soit des paroles ou des actions qui sont laides ou des actions qui sont mauvaises ou tout autre comportement. Et donc le musulman, il y a deux dimensions, si on veut, par rapport à sa religion. La dimension du musulman dans sa relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, hein, il doit faire attention à ça parce que ça c'est la base, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu lui obéis, comment tu respectes ses commandements, comment tu t'écartes de ses interdictions et ainsi de suite. Et donc ça c'est la relation qui est la dimension principale dans la religion du musulman, et il doit bien entendu dans cette relation-là entre lui et Allah purifier son adoration et la rendre sincère pour Allah seul et soumettre son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Et il y a l'autre dimension pour la relation qui est entre le musulman et les autres. Et ça, c'est une autre dimension qui est très importante aussi et qui suit la première dimension. Et ça, c'est parce que c'est dans le fait que le musulman retienne sa langue d'insulter et retienne sa main de frapper ou de faire du tort aux autres. Et donc, le musulman qui est le meilleur musulman et qui est le plus complet dans sa foi et dans son islam, c'est celui qui a réuni ces deux dimensions-là. En plus d'avoir respecté les droits d'Allah, il respecte également le droit des autres musulmans. D'accord? Et donc, c'est pour faire comprendre que le musulman doit réunir ces deux aspects dans sa vie. Et il dit ensuite, pour expliquer la fin du hadith, وَقَوْلُهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الْهِجْرَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ تَرْكُ الشَّيْءِ وَقَالَ تَعَلَى وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ أي اترك عبادة الأصنام ومنه ترك الوطن والخروج منه إذا كان في بقائه فيه مضرة على الدين فالمسلم يفر ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه لذلك قال العلماء في تعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. Donc le cheikh il explique que ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est un muhajir, qui a vraiment appliqué la hijra, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah lui a interdit. Parce que la signification linguistique du mot hijra, ça veut dire le fait d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5, dans surat al-Muddathir, وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ, c'est-à-dire abandonne et délaisse l'adoration des idoles, écarte-toi-en. Et donc, on peut dire également hajrul watan, le fait de délaisser une terre ou de sortir d'un endroit ou d'une ville ou d'un pays, lorsque dans le fait de rester dans cet endroit-là, il y a un mal pour nous dans notre religion. C'est-à-dire que si tu restes à cet endroit-là, ça va te faire du tort dans ta foi, ça va te faire du tort dans ta religion. Dans ce cas-là, tu dois t'enfuir vers un autre endroit pour protéger ta religion, pour garder ta religion. Ça c'est la chose la plus importante pour le musulman. C'est-à-dire qu'un musulman, il ne possède rien dans cette vie de plus précieux que sa religion. Et donc, s'il arrive dans une situation où le fait de vivre dans un endroit a un effet néfaste sur sa religion et sur sa foi, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre au second plan les intérêts matériels et les choses matérielles et voir la priorité qui est de préserver son islam et de quitter l'endroit dans lequel il n'est pas capable justement de préserver sa foi et sa religion correcte et de s'en aller vers l'endroit où il va pouvoir justement établir sa religion et la préserver et garder sa foi. D'accord? Parce que sinon, si quelqu'un dit, bon, finalement, là où je suis, j'ai la belle vie, j'ai une belle maison, j'ai un bon travail, j'ai tout ce que je désire dans la dunya, et même si ça affecte ma foi, mais c'est pas grave, parce que l'important pour moi c'est ma dunya. Et donc, si j'ai ma dunya, le reste c'est pas important. Même si c'est ma religion qui est affectée, je reste quand même, ça veut dire que là, dans ce cas-là, il y a un problème. Hein? Et donc, le cheikh, il explique, il dit, le musulman, quand quelque chose affecte sa religion, il doit s'enfuir et aller dans l'endroit où il va être en sécurité vis-à-vis de sa religion. Et c'est pour cette raison-là que les ulama de l'islam ont défini al-hijra en disant que c'est le fait de déménager ou de quitter d'un pays de mécréance vers un pays d'islam pour s'enfuir avec sa religion, c'est-à-dire s'enfuir dans le but de préserver sa religion. كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم والهجرة باقية إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها, أي عند قيام الساعة, حتى تخرج الشمس إلى خلاف مخرجها من المشرق فتخرج من المغرب. يقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فإذا خرجت الشمس من مغربها تنقطع الهجرة ويغلق باب التوبة ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره عليه علامة الكفر. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis la hijra en application lui-même ainsi que ses compagnons en quittant Mecca pour aller à Médine pour s'enfuir avec leur religion. Et la hijra, le verdict de la hijra, c'est-à-dire le verdict de quitter une terre de mécréance pour aller s'installer dans une terre d'islam, c'est un verdict qui demeure valable et qui continue à être obligatoire et, ou bien selon le cas, soit recommandé ou obligatoire jusqu'à la fin des temps. Hein? Les ulama ils ont expliqué que la hijra ça peut être soit obligatoire ou soit recommandé. Obligatoire dans le cas où tu es capable de le faire, tu as les moyens et tu n'es pas capable de pratiquer ta religion correctement dans l'endroit où tu es. Dans ce cas-là, c'est une obligation pour toi de quitter et d'aller dans un pays où tu vas être capable d'appliquer ta religion correctement et de préserver ta foi. Et le cas où c'est recommandé, il dit c'est l'endroit où tu es, c'est un endroit, ça, par exemple, c'est un pays non musulman, mais tu es capable de pratiquer ta religion ouvertement et tu as les moyens de quitter. Dans ce cas-là, c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est recommandé de le faire. D'accord? Et le cas où la personne est excusée de faire la hijra, c'est le cas dans la situation où, par exemple, il est dans un pays où c'est un pays non musulman, il a de la difficulté à pratiquer sa religion ouvertement, mais il n'a pas les moyens et il n'a pas la capacité de quitter. Dans ce cas-là, il est excusé jusqu'à ce qu'il ait les moyens et la capacité de le faire. Et ça, c'est les détails de ce que les ulama de fiqh ont mentionné au sujet de cette question. Et donc, le verdict de la hijra peut être différent d'une personne à une autre et peut être différent d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est important aussi de le comprendre comme il faut. Ensuite, le cheikh, il dit donc que le verdict de la hijra, il continue jusqu'à la fin des temps, et la preuve de ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il dit que la hijra ne va pas cesser. Hein, le verdict de la hijra, il ne va pas cesser jusqu'à ce que la repentance soit coupée, ou soit terminée. Et la repentance, c'est-à-dire le fait que Allah accepte la repentance de ceux qui demandent pardon, elle ne va jamais cesser d'être valable ou d'être acceptée par Allah jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. C'est-à-dire le soleil, à la fin des temps, il va se lever dans l'autre direction. Hein? Il va se lever à l'ouest au lieu de se lever à l'est. Donc ça, c'est un des plus grands signes de la fin des temps. Et après ce signe-là, Allah n'accepte plus de repentance. Il n'accepte plus non plus l'islam de celui qui veut se convertir. Et donc c'est pour ça que le cheikh, il dit, il y a le verset dans le Coran qui mentionne le verset 158 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où certains des signes de ton Seigneur vont venir, eh bien, la personne qui décide de croire, ça ne lui profitera pas ce jour-là, si elle n'avait pas cru auparavant. Donc, ce jour-là, le jour où le soleil va se lever à l'ouest, tous les hommes vont croire. Il n'y aura plus de mécréants par la suite. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, le fait que quelqu'un se repente ou quelqu'un dise « je crois en Allah », ce sera trop tard. D'accord? Il n'y aura plus de repentance et Allah n'acceptera pas la repentance de quiconque après ce signe-là. Mais jusqu'à ce moment-là, la repentance est toujours ouverte et le verdict de la hijra, il continue à être valable et à être applicable. Et donc, il dit ici, le cheikh, que tant que le soleil s'est pas levé à l'ouest, eh bien, le verdict de la hijra est toujours valable et la porte de la repentance est toujours ouverte. Et le musulman, donc, il reste sur son islam, et une fois que le soleil se lève à l'ouest, le kafir qui ne s'était pas converti, eh bien, il va rester sur sa mécréance, et Allah va écrire sur lui, hein, c'est-à-dire, il y aura, comme c'est mentionné dans les hadiths, il y aura une bête qui va sortir de la terre, et il va écrire sur le front de chaque personne, celui qui est croyant et celui qui est mécréant. Et à partir de ce moment-là, ce sera définitif. Ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, celui qui est mécréant, tout le monde va le voir, et celui qui est croyant, tout le monde va le voir. Il n'y aura plus d'hypocrite. Hein, il n'y aura pas d'hypocrite à ce moment-là. Et il dit, وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ أَيْ مِنْ مَكَّةَ فَلَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إلى المدينة لأنها يعني أي مكة صارت بلد إسلام وفتحها أما الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية والمقصود أن المهاجر كامل الهجرة من ترك الشرك وترك المعاصي كالزنا وشرب الخمر وكل ما نهى الله عنه وترك بلاد الكفر فالهجرة تكون بالبدن وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وتكون قلبية وذلك بترك المحرمات وأما هجر بعض الذنوب والمعاصي وبقي مستمرا على بعضها فهذا هجرته ناقصة والشاهد من الحديث ترك الغيبة وهجرها لأن فيها ضررا على المسلمين. Donc, on va juste traduire ça puis on va s'arrêter inshallah pour la salat inshallah après. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ensuite un petit point, il dit ici que en ce qui concerne l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari dans le Sahih selon Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque, il dit ça c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hijra de Mecca jusqu'à Médine, c'est-à-dire la hijra de la Mecque à Médine elle n'est plus obligatoire après la conquête de la Mecque. Pourquoi? Parce que la Mecque est devenue maintenant une terre d'islam, donc c'est plus nécessaire de la quitter vers Médine. Et il explique qu'en ce qui concerne le verdict général de la hijra, c'est-à-dire de quitter la terre de mécréance pour aller vers une terre d'islam, eh bien ça, il dit, c'est quelque chose qui continue et qui va rester jusqu'à la fin des temps, comme on l'a vu. Il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire par celui qui est le muhajir, c'est celui qui délaisse ce que Allah lui a interdit, c'est-à-dire celui qui a une hijra qui est complète, c'est pas celui seulement qui quitte un pays pour aller vers un autre. Mais c'est celui qui abandonne le shirk, qui abandonne les péchés comme az-zina, l'adultère, la fornication, le fait de boire de l'alcool et tout ce que Allah lui a interdit, et en plus qui abandonne les terres de mécréance. Donc la hijra c'est avec le corps et c'est aussi de faire la hijra avec notre cœur. La hijra avec le corps c'est de quitter un pays de mécréance pour aller vers un pays d'islam, mais la hijra du cœur c'est de quitter les péchés et de s'écarter des péchés, hein. Et si, par exemple, tu fais la hijra avec ton corps, mais que tu continues à faire certains péchés, ça veut dire que ta hijra, elle est incomplète. Il y a une déficience, elle n'est pas comme elle devrait être. Il y a des manques dedans. Et donc, le but du hadith, c'était de mentionner que la hijra, c'est quelque chose qui doit être abandonné et qu'il faut le laisser parce qu'il y a un mal dans ça pour les musulmans. Donc on va s'arrêter ici inshallah. On continuera la semaine prochaine bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.